Vous écoutez la première, voici tout de suite Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Nous n'avions pas encore l'habitude de voir fonctionner tant de machines sans causes apparentes. Ces procédés occultes déroutaient l'esprit. Cette semaine, du désordre de la nuit à l'ordre éclairé. L'odyssée d'une lumière. Je vis que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Le pouvoir sur la lumière est exprimé de manière presque caricaturale par Louis XIV, qui en fait une marque de fabrique finalement de son propre règne. Nous n'avions pas encore l'habitude de voir fonctionner tant de machines sans causes apparentes. Ces procédés occultes déroutaient l'esprit. Nous sommes en compagnie d'Agnès Beauvais qui s'est présentée à nous hier en racontant une partie de son parcours qui l'a mené à commencer très tôt à s'engager dans la production cinématographique. Elle était outre-Atlantique, du côté des États-Unis. Et puis, à partir de là, un assez long parcours pratiquant un petit peu tous les métiers dans le domaine de l'image, à l'exception de la fiction, mais s'approchant beaucoup du documentaire, beaucoup des éditions que l'on pouvait voir à la télévision, donc pratiquant un peu tous les étages. Il en manquait un, c'était celui de la réalisation dont on va parler aujourd'hui. Alors, vous allez nous présenter d'abord le titre de votre film, Agnès Beauvais, et puis après je vous ferai entendre quelqu'un qui était avec nous tout au long de la semaine, l'historien Marco Cicchini. Mais commençons peut-être déjà par le titre et disons par exemple le pitch du documentaire, le vôtre. Donc le film s'intitule « Lumière sur la ville ». C'est un film sur l'histoire de la lumière urbaine. La façon en fait dont la lumière a conquis nos villes et à l'origine il y a une prise de conscience. En fait, moi je marche beaucoup la nuit. Et effectivement, je n'ai jamais été très attentive à l'éclairage urbain jusqu'à ce que ma sœur tombe amoureuse d'un concepteur lumière. Et d'un seul coup... Tout s'est éclairé. Nous avons commencé à avoir des discussions à la fois sur mes pratiques noctambules ou insomniaques et à la fois lui sur son métier. Et j'ai eu... Alors, je vous fais pas un pitch, là. Je vous décris vraiment le début. À l'occasion d'un salon, alors que je travaillais encore comme distributrice, je suis allée à Lyon. Et Lyon est effectivement assez réputé pour, je dirais, le travail qui a été fait de mise en lumière de la ville. Et ce qui m'a surtout très surpris, ça a été à un moment donné... On s'était donné rendez-vous sur la place des Terreaux. Donc, c'était un mois de juin. Et la place des Terreaux, à cette époque-là, qui a été éclairée par un monsieur qui s'appelle Laurent Fachard, c'était une place où la lumière ne surgissait que sur les façades des immeubles. C'est une place immense. Et au centre, tout était dans l'ombre. Il y avait au sol des lumières bleues qui montaient en intensité progressivement, puis qui redescendaient. Et alors, il y avait un monde fou. Il y avait des jeunes qui étaient assis par terre, qui discutaient, qui buvaient des bières, qui fumaient des clopes. Il y avait des gens qui traversaient. Je m'étais trompée de point de rendez-vous, donc il fallait que je retraverse cette place immense. Effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui avait changé, ou qui changeait, ou qui était très étrange dans l'atmosphère du lieu. On était obligé de marcher lentement, puisqu'il y avait assez peu d'éclairage. Les gens parlaient pas très fort. Il parlait plutôt doucement. Et il y avait quelque chose où, effectivement, on voyait pas un visage à 4-5 mètres, comme on a l'habitude d'avoir dans un éclairage, on va dire, un peu plus conventionnel, un peu plus normal. Et il y avait un espèce de sentiment de cocon, avec cette respiration bleue qui sortait comme ça du sol. Et j'ai vraiment été étonnée de cette ambiance. J'ai eu peur que vous n'utilisiez le verbe « flasher ». Non, parce que c'était pas du tout... Non, justement, ça n'est pas approprié cette situation-là, pas du tout. C'était quelque chose, vraiment un sentiment très doux. Très accompagnant. Voilà. Et donc, j'étais surprise. Et là, j'ai commencé à me poser vraiment des questions sur la lumière urbaine. Alors, je vous laisse entendre. Alors, tout d'abord, je tiendrai à la féliciter pour la qualité de ce film et du travail réalisé. J'ai été impressionné par la qualité de la documentation historique. Alors, je ne sais pas quelle version j'ai vu exactement. En tout cas, j'ai vu une version dans laquelle il n'y avait aucun générique. Et je me demandais si, parce qu'on sent qu'il y a des lectures, hein, auxquelles d'ailleurs on a évoqué ou qu'on a consacré quelques mots durant cette semaine, hein. Je pense notamment à Simone Delattre. Il y a aussi un auteur dont je n'ai pas parlé, je crois, Wolfgang Schievelbusch, auteur d'un livre intitulé La nuit désenchanté, magnifique petit livre. Mais on voudrait savoir un peu plus sur les auteurs utilisés, parce que vraiment, c'est un travail d'historien, hein, j'ai envie de dire. Une collecte qui est impressionnante d'informations. Et je voudrais savoir quelle est la petite bibliothèque qui a servi à la réalisation de ce documentaire. Ben voilà, il les a cités. C'est un philosophe spécialisé dans l'urbanisme qui m'a donné ma première bibliographie. Il s'appelle Thierry Pacot, peut-être que vous le connaissez. Et effectivement, le premier livre que j'ai lu qui m'a absolument enchantée, c'est La nuit désenchantée de Wolfgang Schievelbusch. Parce que c'est une approche totalement culturelle de la lumière, hein, qu'il a écrit en partant du Moyen-Âge, mais il s'arrêtait effectivement à l'arrivée de l'électricité. En lisant ce livre, je me suis fait la réflexion qu'il y avait moyen de prolonger sa propre réflexion au-delà de l'arrivée de l'électricité. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Tout de suite, effectivement, quand on lit ce genre d'ouvrage, on a envie de creuser, d'en savoir plus. Et effectivement, je suis partie dans ces notes, dans ces sources. Et Simone Delattre, pour moi, a été, avec les 12 heures noires de la nuit, ça a été l'ouvrage qui m'a permis de construire et de comprendre l'état d'esprit du 19e. Ensuite, il a fallu que j'aille chercher pour le 20e siècle d'autres sources. Et comme c'est une histoire qui... Alors, ce qui est très étonnant, c'est que l'histoire de la nuit, ou en tout cas l'histoire de la lumière urbaine, ce qui est très très différent, a commencé à être écrite au 19e siècle, exactement au moment où le gaz arrive en ville et le gaz génère une énorme controverse. Donc, on est pour ou on est contre ? On est pour parce que c'est la modernité, parce que c'est l'industrialisation. On est contre parce qu'on voit pas du tout l'intérêt de se soumettre à un tel danger, alors que les réverbères font très bien l'affaire. Et puis parce que effectivement cette industrialisation change la donne énormément. Donc les historiens qui ont écrit l'histoire de la lumière à ce moment-là ont vraiment des partis pris assez forts en faveur de la modernité. Et parfois, il faut aller décrypter un petit peu dessous. Au XXe siècle, il y a moins d'engouement déjà pour cette histoire de la lumière. Remise en cause du progrès ? Alors, elle existe, mais au niveau de l'urbanisme, par exemple avec les situationnistes. Effectivement, eux vont critiquer, mais ce qu'ils critiquent, c'est l'urbanisme fonctionnel qui est mis en place dans l'après-guerre. C'est la charte d'Athènes, c'est Le Corbusier qui est visé. Et il y a, effectivement, j'ai trouvé chez eux des allusions à la nuit, des allusions à l'éclairage, parce que c'est une bande de jeunes qui dérivaient dans la nuit. Ils avaient des théories, mais enfin, ils passaient quand même beaucoup de temps à passer d'un bar à un autre. Et à pratiquer la nuit. Sent qu'ils bricolent un peu leur propos, et à la fois, c'est extrêmement... Donc, voilà un petit peu les tendances que j'ai voulu traduire. Moi, ce qui m'a motivée, ce que j'ai voulu chercher à la suite de Wolfgang Schievelbusch, c'était quel est notre rapport à l'ombre et quel est notre rapport à la lumière? Et comment ce rapport a-t-il été construit? Comment est-ce qu'il évolue, en fait? Est-ce qu'on le voit évoluer au XXe siècle, par exemple, lorsque l'électricité arrive? Donc, lui terminait son livre en me laissant quelques pistes, puisque il parlait de la fascination pour la télévision, qui était peut-être à relier à la fascination qui avait été celle pendant des siècles pour le feu qui brûlait dans le foyer, puisque d'une certaine façon, si le rêve du 19e a été d'abolir la nuit, d'une certaine façon, au 20e siècle, on a procédé autrement. Mais on a domestiqué la nuit, réellement. Donc j'avais des pistes comme ça de réflexion. Effectivement, ça a été ma base. Ensuite, effectivement, il y a Bachelard, le feu, la poésie d'une flamme, l'espace aussi, puisqu'il en parle encore. Il y en a tellement derrière que je pourrais pas tous vous les citer. Comment éclairer la nuit les rues d'une grande ville ? En 1765, Monsieur de Sartine, lieutenant général de la police, charge l'Académie royale des sciences d'organiser un concours. Il s'agit de combiner clarté, facilité de service et économie. Le gagnant est Monsieur Bourgeois de Châteaublanc, qui avait déjà proposé son invention 20 ans plus tôt. Pugnace, il revient avec sa lanterne à huile à double ou triple bec, dotée d'un réflecteur qui amplifie et dirige la brillance des flammes. Le réverbère est né. Agnès Beauvais, on a rendez-vous dimanche soir sur RTS2 avec votre premier documentaire, dont vous allez nous rappeler le titre. Lumière sur la ville. Alors je voudrais, à propos de ce documentaire, parler un peu du traitement, pour donner envie, que les gens aillent voir. Ne vous attendez pas à un documentaire traditionnel, ne serait-ce que par le choix des images que l'on peut y voir. Imaginez, néanmoins, des extraits de films muets, souvent en noir et blanc, des images rapprochées focus sur une chandelle, une bougie, des tableaux peints, filmés soit en plan serré, soit en plan large, également des extraits de films, mais pour ceux qui ont entendu Agnès Beauvais hier nous raconter son amour du petit écran et du grand écran, on peut comprendre. Et puis on a presque l'impression, quand on regarde ce film, qu'on pourrait jouer à un quiz, ce que moi je me suis amusé personnellement à faire, notamment une scène en noir et blanc qui montre une arrivée d'ouvriers. On reconnaît au passage très fugitivement le sublime et tourmenté Renato Salvatori, vu entre autres peu d'années auparavant dans Rocco et ses frères. Et moi je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Salvatori passe, il est au milieu d'ouvriers, la caméra panote, et on découvre une salle gigantesque peuplée de machines et d'ouvriers. Et là, j'ai fait des recherches parce que je n'y résistais pas. Et je me suis dit, je dois être en train de voir un extrait d'un film que je n'ai jamais vu, Les Camarades de Mario Manicelli, sorti en 63. J'ai juste... Absolument. Ah. C'est l'une des premières scènes du film. Ouais. Alors, tiens, ben, qu'est-ce qu'on fabrique dans cette usine? C'est de la mèche à bougie? Non, je pense que c'est une manufacture de textiles. Ouais. Le gaz est vraiment arrivé tout d'abord dans les usines de textiles, dans les manufactures. Alors j'ai fait cette longue description pour passer à un chapitre pas facile, boulot et pépette. Trouver de la petite monnaie pour tourner un pareil sujet dans l'atmosphère du documentaire d'aujourd'hui, j'imagine que ça a été d'une facilité enfantine, Agnès Beauvais. Ou alors vous aviez des économies et un cochon rose qui débordait. Alors, moi je ne l'ai pas produit, hein. C'est mon producteur qui a trouvé l'argent. Mais le film a été produit avec Arte, qui est une chaîne qui donne encore des moyens pour travailler. Et pour des ovnis comme ça? Alors, j'ai eu la chance dans mon parcours, en fait, de connaître la personne qui aujourd'hui est en charge de cette case-histoire. Et je suis allée la voir très tôt pour lui raconter cette histoire de la lumière. Elle m'a dit, oh, je le veux. Donc, il a fallu l'écrire. Elle s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup battue. Ça a duré très longtemps pour pouvoir m'imposer comme réalisatrice. Parce que un film historique avec des archives, ça coûte très, très cher. Je pense que ça aurait été plus facile si j'avais déjà 3, 4, 5 films derrière moi. Veniez de nulle part, d'une certaine Alors, manière. Je venais de nulle part et à la fois, oui. Je venais pas tout à fait de nulle part. Donc, ils savaient tous que j'étais une professionnelle, que j'avais produit des films documentaires, que j'en avais distribué. Les gens savaient qui j'étais. Mais pouvoir changer comme ça de casquette, c'est pas du tout évident. Et c'est vrai que j'ai été vraiment aidée et soutenue par Anne Grolleron, qui avait vraiment très envie de ce film, et puis par mon producteur, Alexandre Cornu, au film du Tambour de Soie, qui ont vraiment défendu le projet. Ensuite, c'est vrai que pour moi, c'était une première, et que je ne pouvais pas m'imaginer partir en production ou en réalisation sans que le film soit totalement écrit, puisque je travaillais sur une base historique, puisque c'était de l'histoire, on va dire ancienne. Il n'y avait pas de surprise, il n'y avait pas de recherche à faire, toutes mes recherches devaient être faites en amont. Et une chose aussi qui m'a permis de l'écrire, et en fait, s'il a pris cette forme-là, c'est que j'ai fait énormément de recherches dans les films anciens pour essayer de trouver justement une lanterne, un réverbère, un bec de gaz, quelque chose qui soit éclairé, qui soit bien éclairé, qui donne réellement la sensation de la luminosité que ça pouvait avoir, et non pas... Alors, il y a beaucoup de films de KPDP, j'en ai vu plein, des films de KPDP des années 50, ou alors c'est éclairé mais à fond, quoi. C'est un vrai, c'est un jour en pleine nuit, alors que ces gens-là ne connaissaient que la chandelle. Enfin, c'est juste pas probable. Et c'est là aussi que je me suis aperçue qu'il y avait, au niveau de l'iconographie, comme au niveau, on va dire, des écrits historiques, l'iconographie sur la nuit et sur les éclairages ne naît réellement qu'au 19e. Il n'y a pas d'attention à la nuit. Avant, bon, il y a Rembrandt qui peint éventuellement la ronde de nuit, qui est alors un tableau. On ne sait pas si c'est réellement la nuit ou si c'est un tableau en fait qui s'est patiné avec le temps jusqu'à former une nuit, une croûte de nuit qui n'aurait pas été nécessairement voulue par le peintre. Encore plus dense et plus opaque. Oui. Ouais. Et ce tableau était pour moi assez étonnant, puis j'ai décidé de ne pas l'utiliser parce qu'effectivement on ne voyait pas le luminaire. Et moi je tenais à ce qu'on voit les luminaires. Retour à Histoire Vivante, juste après quelques nouvelles de la route. Infotrafic RTS. La chaussée est à présent dégagée sur l'autoroute Vevey-Martigny entre Aigle et Saint-Trifon en direction de Martigny. Agnès Beauvais, on parle de traitement, en parlant d'image. Ce film est un... J'avance le mot patchwork, je ne sais pas si vous l'apprécierez, où se trouve côte à côte, comme on l'a dit, des images appartenant au monde de la fiction, notamment beaucoup du cinéma muet, mais il y a également à l'intérieur se glissent des images contemporaines, de la misère, dans la ville, également, c'est assez magnifique, des photos noir-blanc qui nous permettent de nous retrouver à nouveau dans la ville, parce qu'au fond, on est d'abord essentiellement dans un décor urbain. Et puis, en plus de cela, et ça c'est également assez rare dans le domaine du documentaire, c'est désormais, c'est la notion de citation. Alors effectivement, de la même manière que l'historien Marco Cecchini, j'ai encore la version de cuisine où tous les textes ne sont pas indiqués, ce qui est amusant parce que ça permet de faire un petit peu du jeu de piste en disant mais ça, d'où ça peut venir. Il y en a un, j'ai pas réussi à trouver, à identifier, c'est ce moment où il est question de l'électricité et un très beau texte quasi prophétique qui l'accompagne, on va entendre d'ailleurs immédiatement. Nous n'avions pas encore l'habitude de voir fonctionner tant de machines sans causes apparentes. Ces procédés occultes déroutaient l'esprit, et l'on se surprenait presque à demander quel était le machiniste qui, comme dans les dessous d'un théâtre, présidait à cette œuvre magique. Seulement le machiniste ici, c'est une force si subtile qu'elle est restée pendant des siècles insaisissable. Aujourd'hui, emprisonnée, conquise, elle est la force souple et maniable par excellence. Elle sera bientôt la puissance souveraine qui transformera le monde. L'électricité force l'admiration. La puissance de l'arc électrique fascine. Pendant l'exposition, un plafond de lumière inonde les boulevards, transformant la chaussée en un immense théâtre où l'on parade à son aise. Alors, ce texte qui promeut l'électricité comme l'avenir absolu, de qui est-il ? C'est un texte d'Henri Parville, qui était au 19e siècle un journaliste, un éditeur, un rédacteur, quelqu'un qui a effectivement beaucoup travaillé sur l'électricité. C'est un texte qu'il a écrit au moment de l'exposition, enfin quelques années après l'exposition de 1881, qui est la première exposition internationale d'électricité qui a eu lieu à Paris. C'est un journaliste scientifique, on dirait aujourd'hui, on l'appellerait comme ça, qui a monté. Alors je ne sais plus si c'est lui qui était le rédacteur en chef d'un journal qui s'appelait La Lumière électrique, peut-être pas, mais en tout cas il a été dans mes sources. Je l'ai rencontré plusieurs fois des textes de lui. À la fois il fait de la vulgarisation scientifique, mais il peut aller très très loin dans la technique, c'est-à-dire que c'est un véritable scientifique. Moi je n'ai utilisé vraiment que les textes qui parlaient à tout le monde. Oui, c'est magnifique. La vitesse nourrit l'imaginaire de toute une génération. On rêve d'un monde futur, un monde fulgurant, qui glorifie la machine et voit le triomphe de l'homme sur la nature. Un monde viril, célébré par les avant-gardes artistiques. Un immense orgueil gonflait nos poitrines, à nous sentir debout tout seuls, comme des phares ou comme des sentinelles avancées face à l'armée des étoiles ennemies qui campent dans leur bivouac céleste. La littérature ayant jusqu'ici magnifié l'immobilité pensive, l'extase et le sommeil, nous voulons exalter le mouvement agressif, l'insomnie fiévreuse, le pas gymnastique, le saut périlleux, la gifle et le coup de poing. Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle, la beauté de la vitesse. Nous voulons glorifier la guerre, seule hygiène du monde, le militarisme, le patriotisme, le geste destructeur des anarchistes, les belles idées qui tuent et le mépris de la femme. Je voulais, dans cette dernière partie d'entretien, Agnès Bové, parler de cette juxtaposition où le temps et l'espace sont irrémédiablement bouleversés. J'avais noté, et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs géopolitologues à ce micro, j'avais entendu quelqu'un qui avait travaillé sur une hypothèse que je trouvais très attirante, qui disait que la fin du 19e siècle et la naissance des nationalismes se trouvaient en corollaire avec cette révolution du temps et de l'espace qu'offraient les techniques. Une grande partie de votre documentaire met en perspective cette notion des progrès et ce bouleversement, cette accélération du temps et de l'espace. Je l'ai retrouvé de nouveau dans votre documentaire. Oui, alors je n'ai pas pensé au nationalisme, moi. Par contre, il y a des choses qui ne sont pas dans le documentaire, qui étaient dans mes recherches, qu'on n'a pas pu mettre, parce que 52 minutes, c'est court, qui est qu'il y a eu effectivement un usage de la lumière dans des guerres coloniales, un usage de l'arc électrique pour terroriser les populations autochtones. Et justement, il y a effectivement dans cette construction de ce nouveau monde un enjeu absolument terrible de conquérir ces colonies pour pouvoir avoir accès à un certain nombre de minerais qui sont utilisés. Donc effectivement, je pense que c'est lié. D'autre part, il y a un esprit belliqueux. J'étais très surprise, par exemple, ça c'est une petite anecdote. Je me suis servi, par exemple, certaines des gravures que vous voyez dans le film, notamment la gravure de la place de la Concorde, la première fois qu'il y a un éclairage électrique dans un espace public, c'est à Paris et c'est en 1844, place de la Concorde. Cette gravure a été publiée par un journal qui s'appelle La Nature et qui est un journal de vulgarisation scientifique. Et dans les pages, on peut trouver à la fois, par exemple, des choses sur les avancées des techniques, comme l'électricité, le gaz, des découvertes, on va dire, de biologie sur les animaux marins, sur les oiseaux, le tigre, etc. Les découvertes des nouveaux territoires, avec la description des coutumes de ces peuplades sauvages, et la description du dernier canon. Parce que ça aussi, c'est une avancée technique formidable. Donc, dans ce qui s'apparente vraiment à un ouvrage de vulgarisation, l'art de la guerre, puisqu'ils appellent ça comme ça à cette époque, a une place au même titre que les sciences. Ce qui est très particulier et assez significatif, en fait, de l'esprit qui règne à ce moment-là. Eh bien, si avec tout ça, on ne vous a pas donné envie, c'est à décourager et à désespérer du genre humain, Agnès Beauvais, vous allez donc nous redonner le titre de votre opus, s'il vous plaît. Alors, ça s'appelle « Lumière sur la ville » et c'est une histoire de la ville à travers la lumière. Et c'est à voir dimanche soir sur RTS2. Merci d'être venu en parler au micro d'Histoire Vivante. Merci à vous. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec la participation d'Isabelle Barthes, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.